À quoi bon user la course des nuages? À peine né qu'il faut déjà tourner la page. Les filles ne partagent pas notre conception du nécessaire. N'a pas le temps pour balayer les courants d'air. Il se fiche de ceux qui parlent dans son dos. Il n'a que faire de ce que disent les sots. Les mêmes qui bien souvent lui envient de fond sa liberté. Voudrait qu'il ne soit pas tel que lui s'est fait. Zéphir prend ses jambes à son cou et fuit ses images partout. Pour se réfugier l'un de la cohue générale. Il n'est pas ceux qui ont un poumon à la place du cœur. Qui s'use son dégoût en voulant faire son bonheur. Criez sur moi. Hurlez à la lune. Je n'ai en moi. Aucune haine, aucune. Jamais Zéphir ne s'implique ou se mélange. Ni voyait, ni mépris, ni condescendance. Il traîne solitaire dans ses paradis d'encre et de papier. Sa plume est son seul refuge pour exister. Quand on lui demande pourquoi, à quoi ça sert, il répond que c'est une question d'atmosphère. Sourit et retourne au flot obscur de ses pensées intimes. D'où jailliront peut-être un jour le sublime. Zéphir ne rêve pas de salaire ni de dessin exemplaire. Il est pur et ne respire plus dans cette machine infernale. Il ne connaît ni la jalousie ni l'envie honteuse. Et se sent piégé dans vos croyances et vos lois hideuses. Priez pour moi. Vomissez vos rues. Je n'ai pour moi. Aucune chance, aucune. Asphyxié par les cris du bitume, il trace des lignes imaginaires qui l'isolent des voraces. Pourtant, jamais on ne l'a pris insulté ou médit. Être en vie est le plus cher de ses désirs. Parfois quand ses songes débordent à la surface, comme des conques sur la plage à marée basse, Zéphir se prend à rêver d'ailleurs et un beau jour, il a viré sa carcasse des alentours. Certains jurent avoir vu le fou une nuit sauter dans un trou. D'autres assurent qu'il a pu enfin toucher son idéal, emporté par sa fougue vers un très lointain hémisphère. Parfois le soir on peut l'entendre nous chanter cet air. Pleurez sur moi. Au moins quelques-unes. Je n'ai en moi. Aucune tristesse, aucune. Pleurez sur moi. J'ai pas de rancune. Je n'ai en moi. Aucune tristesse, aucune.